heureuse avec toi. Je ne voulais pas lever les yeux sur la fenêtre d'où chaque soir nous faisions un vœu en regardant se coucher. Je me disais que la mer ne serait plus du même bleu, que le vent n'aurait plus le même parfum et que les mouettes lanceraient dans le ciel que des cris de détresse. J'avais tort, car c'est à peine si mon cœur a battu un peu plus fort quand je suis passée devant notre maison. La mer est toujours d'un bleu profond, le vent a toujours un